Moi j'ai connu bien les filles dans ma vie, mais d'aussi douces et puis d'aussi jolies. Croyez les amis, ça n'existe pas. Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi. Je suis sauvé, elle arrive juste à temps. Allez savoir pourquoi et puis comment. Soudain j'ai envie de crier ma joie. Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi. Pour aimer comme ça, il faut être un peu fou. Que voulez-vous? Je n'y peux rien du tout. Ça me rend cinglé, ça me prend d'un seul coup, je crie. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. L'amour me prend comme un grand tourbillon. Je suis heureux cette fois pour de bon. Comment les copains vous expliquer ça? Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi. Ça, il faut être un peu fou. Que voulez-vous? Je n'y peux rien du tout. Ça me rend cinglé, ça me prend d'un seul coup, je crie. Ça y est les gars, je crois que c'est sérieux. Ne riez pas si je suis amoureux. Salut les copains, ne m'en veuillez pas. Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi. Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi. Oui, car celle-là, elle a, ah oui, vraiment, elle a un petit je ne sais quoi.